Page 105. Exercice 4. 1. Le client a prétendu que s'il n'avait pas payé la facture, c'est qu'il ne l'avait jamais reçue, bien qu'il l'ait demandée, etc., etc. Mais je ne le crois pas. 2. Nous savons très bien que ces bijoux ne sont pas faits de pierres précieuses, mais de simples imitations. 3. Zora m'a fait croire qu'elle allait partir pendant 2 ans dans le Sahara. Et pendant quelques minutes, je l'ai cru. 4. Tout le monde savait que M. Lambert ne votait pas comme nous. Et évidemment, Tania a abordé la question politique, ce qu'il ne fallait absolument pas faire. 5. Thibault ne veut pas admettre que sa femme et lui ne s'entendent plus du tout et que la situation est intenable. Il refuse de voir la réalité. 6. La petite fille a essayé de faire croire à son grand-père qu'elle était malade. Mais il ne l'a pas cru, car il est médecin